La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver au troisième jour de cette semaine consacrée jusqu'à demain à l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal, Rafik Zénine et Alexandre Dang. Il a accompli le rêve américain en devenant au tout début de sa vie l'un des écrivains les plus célèbres du monde, gloire nationale d'un pays qui dans les années 20 récoltait les fruits de décennies de travail et avait décidé de faire la fête. C'était avant le crash de 1929. Mais Fitzgerald était évidemment bien plus que cela, il était l'un des meilleurs écrivains de sa génération, ce qu'il a montré à travers 4 romans et des dizaines de nouvelles avant de mourir à l'âge de 44 ans, d'alcool et de désespoir, comme nous l'avons vu lundi avec sa biographe Liliane Kerjean, dans une émission que vous pouvez réécouter sur notre site. Et puis hier, avec Elisabeth Bouzon-Villers, nous avons revisité la vie de Fitzgerald à l'aune de quelques grands thèmes de son œuvre, l'Amérique, les femmes, la flapper. Nous avons également parlé de son malaise face à ses origines. Enfin, demain, nous reviendrons sur la figure de Zelda, Madame Fitzgerald, et nous tenterons de replacer l'écrivain au sein de la littérature américaine. Ce sera avec Gilles Leroy et Antoine Cazé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en seconde partie, l'écrivain Charles Dantzig viendra nous parler de son Fitzgerald ainsi que de son ouvrage « Des livres et une Rolls », un recueil d'entretiens qu'il a préfacé au Cahier Rouge chez Grasset. En première partie, je reçois Julie Wolkenstein, elle est traductrice du Gatsby de Fitzgerald. C'était en 2011 et c'était chez POL. POL où elle publie également ses romans car elle est avant tout romancière en même temps que professeure de littérature comparée à l'université de Caen. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. J'ai continué à travailler beaucoup sur Fitzgerald notamment, que j'ai retraduit pour la troisième fois d'ailleurs, parce que c'est certainement le texte le plus difficile de Fitzgerald, Gatsby, qui a été publié par les Cahiers Rouges il y a 2 ans, et sur lequel j'ai encore, si j'avais encore de quoi le temps ou l'occasion de travailler, j'ai encore 2-3 choses à changer, parce que le texte est admirable et on n'arriverait jamais à le donner. C'est si difficile que ça à traduire. C'est très difficile. Fitzgerald, c'est très très difficile à traduire. Parce que sa langue est une langue à lui, et parce que son... Il y a beaucoup de sonorités qui sont importantes et qui fait que si on reprend les mots tels que ça veut dire en français, on n'a plus la même sonorité. Donc il faut trouver, même en trahissant, puisque le traducteur est un traître, même il faut arriver à retrouver une image, plus qu'une image, une musique. Pour moi, Fitzgerald est un auteur avant tout musicien. Jacques Tournier, qui a traduit Gatsby le Magnifique, tout comme vous, Julie Wolkenstein, bonjour. Bonjour. Il était au micro d'Alain Weinstein. Enfin, vous n'avez pas traduit Gatsby le Magnifique, vous avez traduit Gatsby tout court, c'est le titre que vous avez retenu pour ce livre, Julie Wolkenstein. Oui, je ne sais pas si je le referai aujourd'hui. Ce que dit Jacques Tournier est juste. Alors, je ne sais pas si c'est vrai seulement de Fitzgerald ou d'autres auteurs qu'on traduit. Moi, j'en ai traduit très peu. J'ai traduit Tendre et la nuit aussi, et un roman d'Edith Wharton qui était beaucoup plus facile. Mais je suis convaincue comme lui que, en tout cas, avec Gatsby ou avec Fitzgerald, je le retraduirai aujourd'hui ou dans 10 ans, ce serait différent. C'est-à-dire que la traduction, c'est, comme il le dit, une trahison, mais c'est aussi le reflet d'un moment de lecture et d'un moment de l'interprétation, parce que c'est aussi une interprétation, la traduction. Donc je ne sais pas si je changerai de nouveau, enfin si j'abrégerai le titre comme je l'avais fait quand le livre est sorti. À l'époque, ça m'avait paru évident, c'est même un des premiers choix que j'ai fait. Je trouve que Gatsby le Magnifique est une belle trouvaille du premier traducteur français de Gatsby, Victor Lionard, qui est d'ailleurs qui est un très beau titre, mais je ne suis pas convaincue que ça se traduise véritablement The Great Gatsby, dans lequel il y a plus d'ironie, qui joue sur des sonorités qu'on ne retrouve pas. Justement. Dans le Magnifique, il y a un petit peu d'ironie aussi. Oui. Peut-être aussi. Enfin, donc j'ai d'abord été gênée par le titre en me demandant comment je ferais. Et j'ai d'ailleurs dans d'autres langues, en italien, en espagnol, c'est traduit par Le Grand Gatsby, que je trouve pas très heureux en français, Le Grand Gatsby. Donc je me suis penchée un peu sur la question et j'ai, bon, comme tout le monde peut le vérifier, j'ai trouvé dans la correspondance de Fitzgerald avec son éditeur un échange de lettres assez long et avec des décisions compliquées à prendre. Fitzgerald n'aimait pas le titre The Great Gatsby. En fait, personne n'est content avec The Great Gatsby, ni en français, alors, ni en anglais. Alors en tout cas, lui aurait préféré l'appeler Gatsby tout court. Au début, il voulait l'appeler Trimalcion à West Egg. Et puis ça, c'était vraiment pas commercialement possible, non. Je pense, même si la référence à Pétrone et au Satyricon est dans le livre aussi. Mais Gatsby tout court, il y a renoncé parce qu'il trouvait ça trop proche du roman Babbitt, qui avait connu un grand succès 2 ans plus tôt. Donc, il a beaucoup hésité et c'était un compromis finalement, qui ne le satisfaisait pas. Je me suis dit que si Fitzgerald lui-même avait renoncé à Gatsby tout court, pour des raisons qui aujourd'hui, en tout cas pour un lecteur français des années 2010, Babbitt n'est plus du tout aussi lu et connu qu'à l'époque où Gatsby est paru. Si donc Fitzgerald lui-même n'en était pas satisfait, au fond, je pouvais changer moi aussi et revenir à ce titre qui lui avait initialement plu. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que vous le retraduiriez ? Et aujourd'hui, j'en sais rien. J'ai dit quand j'ai publié cette traduction que j'étais prête à la refaire, mais je ne sais pas comment je me poserais le problème parce que je continue à trouver que Le Grand Gatsby, ça ne va pas. Je suis contre le fait d'inventer un titre français qui n'aurait rien à voir avec l'original. Gatsby me paraissait un compromis acceptable. Mmh. Sur la question des sonorités dont parlait Jacques Tournier, vous l'avez évidemment ressenti aussi, je pense. Oui, alors moi je trouve aussi ça extrêmement difficile à traduire, pour les raisons qu'il dit, pour d'autres aussi. Alors qu'il y ait une musique fitzgeraldienne, oui, c'est quand même aussi quelqu'un qui est extrêmement, ça a été dit dans les émissions précédentes, très très observateur, et pour qui l'image, le caractère visuel de ce qu'il raconte, pas seulement ce qu'il décrit, est absolument essentiel. Et moi, je trouve que c'est très difficile dans Gatsby, comme d'entendre la nuit d'ailleurs, parce que, en effet, c'est une langue qui est la sienne, comme celle de tous les écrivains. Tous les écrivains ont leur langue d'une certaine manière, mais la sienne, ça a été dit aussi les jours derniers, c'est une langue de poète. Et donc, très souvent, alors, est-ce que c'est parce qu'il écrivait quelquefois ivre, ce qui est attesté, mais bon, il ne suffit pas d'être ivre pour écrire comme Fitzgerald. D'abord, ça suffit pas pour être poète et pour être un écrivain comme lui, génial, mais je pense que souvent, le texte échappe à toute logique, à toute rationalité. Si on cherche un sens, qui ce soit de l'ordre de la cause, de l'effet, on se perd. Il y a des images qui apparaissent dans le texte qui sont très opaques, qui sont très obscures, et là il y a plusieurs. Vous en avez une en tête ? Je pense par exemple, oui, dans Gatsby. Alors d'ailleurs, c'est souvent un point de vue qui est prêté à Gatsby par le narrateur et témoin Nick, lorsque il essaye de reformuler ce que Gatsby lui a confié sur sa rencontre avec Daisy, et cette espèce d'image folle où lorsqu'il l'embrasse pour la première fois dans la rue devant chez elle, et qu'il a l'impression que une échelle pourrait le conduire jusqu'au ciel, et que s'il embrasse cette mortelle, il échappera à un destin divin. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement délirant. Et il y a plusieurs moments comme ça dans Gatsby et dans Tendre la nuit, où si on s'attache à restituer une forme de logique dans le texte, ça ne marche pas. Et moi, j'ai pris le parti, chaque fois que le problème se posait, et se pose très souvent, de respecter cette obscurité, ce défaut de rationalité et ce sens qui finalement émerge, enfin jaillit, d'associations, de couleurs, de concepts, d'images assez difficiles à comprendre. Et je crois qu'il y a des moments où il faut pas essayer de comprendre. Il faut, voilà. Alors, il y a les traducteurs qui essayent davantage de rétablir une forme de logique ou de sens. Il y en a comme la première traductrice de Tendre et la nuit qui, dans ces cas-là, coupe le texte, ce qui est une solution finalement assez économique et radicale. Efficace. Bon, quand il y a une phrase qu'elle ne comprend pas, elle l'enlève. Bon, ça c'était une autre époque. Fitzgerald n'avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui quand il a été traduit pour la première fois. En tout cas, Tendre la nuit, il y avait peut-être moins d'attente de ce texte en français. Mais voilà, pour moi, il y a cette difficulté-là qu'il faut peut-être d'ailleurs conserver encore une fois dans la traduction. Alors on va écouter un extrait de Tendre et la nuit, de Gatsby le Magnifique dans votre traduction. James Gatz. Tel était son vrai nom, du moins son nom légal. Il en avait changé à l'âge de 17 ans, au moment précis qui avait marqué le début de sa carrière. C'est-à-dire lorsqu'il avait vu le yacht de Dan Cody jeter l'ancre à l'endroit le plus périlleux du lac Supérieur. C'était encore James Gatz qui flânait cet après-midi-là sur la plage, vêtu d'un chandail vert élimé et d'un pantalon de toile. Mais c'était d'ores et déjà Jay Gatsby qui avait emprunté un canot, ramé jusqu'au Tuolumne et averti Cody qu'un coup de vent risquait de l'emporter et de le faire chavirer dans la demi-heure. Je suppose qu'il tenait ce nom en réserve depuis longtemps, à ce moment-là. Ses parents étaient de pauvres fermiers, des ratés. Ils n'avaient jamais tout à fait réussi à se convaincre qu'ils étaient vraiment ses parents. La vérité, c'est que Jay Gatsby de West Egg, Long Island, s'était engendré lui-même comme une idée platonicienne. Il était le fils de Dieu, une formule qui n'a peut-être pas d'autre sens que ça, et il avait le devoir de se mettre au service de la beauté, une beauté démesurée, vulgaire, factice. Il avait donc inventé le seul Jay Gatsby qu'un garçon de 17 ans était capable d'inventer, et il est resté fidèle à cette fiction jusqu'au bout. Une lecture de Laurent Poitrenaud. Et donc, votre traduction que vous reconnaissez, vous vous souvenez du moment où vous avez traduit ce passage ? Pas précisément. J'ai traduit l'ensemble du roman très vite. Après, je l'ai énormément retravaillé, donc je ne me souviens pas précisément. Alors, il avait inventé le seul Jay Gatsby qu'un garçon de 17 ans puisse inventer. On peut tout entendre dans cette archive. Ça veut dire quoi ? Est-ce que Gatsby, il est immature d'une certaine manière ? Il reste immature et à se coller à ses 17 ans ? Oui, c'est ce qui apparaît d'ailleurs aussi dans le dernier chapitre où il y a un passage très poignant où apparaît le père de Gatsby qui arrive avec quelques documents de l'enfance ou de l'adolescence de son fils qui tenait une sorte de liste de tous les projets qu'il comptait accomplir plus tard. Enfin, une liste très volontariste. Oui, très ambitieuse, très volontariste et en même temps très enfantine. Hein. C'est des listes d'enfants ou de préadolescents. Et voilà, il y avait d'ailleurs dans le passage qui a été lu, quelque chose que moi je ne comprends toujours pas d'un point de vue vraiment logique, qui est cette idée d'engendrement, d'idée platonicienne. Il était le fils de Dieu. Il était le fils de Dieu. Enfin, c'est ce qui traduit peut-être aussi d'ailleurs la confusion de Gatsby par rapport à son identité. Ce qui est frappant dans ce passage, et je ne suis pas sûre que Fitzgerald, par ailleurs, condamne les aspirations des très jeunes gens. Je pense que ses romans et ses nouvelles en sont pleins de ces aspirations. Peut-être même qu'il déplore davantage le fait qu'on y renonce plus tard, avec la maturité, que le fait qu'on les ait conçues. Et ce qui me frappe, c'est que Gatsby, comme Dick Diver dans Tendre et la nuit, ce sont des personnages de créateurs. Ce sont des personnages qui ont créé quelque chose. Alors, quelque chose qui finit par s'écrouler, dans les deux cas, que ce soit ce personnage, en effet, que Gatsby s'est inventé, ou cet univers que Dick Diver, cet univers extraordinaire dans lequel il fait vivre tout son entourage, cet univers de charme, de grâce, cette plage qu'il a, dit-il, que tout le monde le dit d'ailleurs dans le roman, qu'il a inventé. Donc ce sont des personnages de créateurs. Ce ne sont pas véritablement des écrivains. Ils construisent sur du sable. Absolument. Mmh. Et puis ce sont des créateurs qui échouent, dont la création s'effondre, ce qui était sans doute la hantise de Fitzgerald lui-même. Et dans le cas d'ailleurs, parce que Gatsby, c'est aussi l'histoire de l'accomplissement d'une vocation d'écrivain qui est celle de Nick Carraway. Nick Carraway, il dit dès le début qu'il est un garçon qui a un tempérament c'est le narrateur, le témoin, le voisin, l'ami, le seul ami, puisque à l'enterrement de Gatsby, ils sont trois, presque. Et lui finira par écrire. Il écrit le récit que nous lisons. Donc chez lui, il y a une forme de passage à l'acte, d'accomplissement réussi. Dans le cas de Tendre et la nuit, c'est beaucoup plus pathétique, parce que Dick Diver, qui n'est pas un écrivain, qui est un scientifique, mais un scientifique qui veut écrire, qui veut publier, qui est un chercheur, va renoncer tout à fait à ce besoin, cette envie d'écrire, pour s'occuper de sa femme, qui est à la fois suffisamment follement riche pour l'entretenir et suffisamment folle pour l'occuper aussi comme psychiatre. Mais c'est aussi l'histoire d'un créateur amateur et de quelqu'un qui a un rapport avec l'écriture, Dick Diver, même s'il n'est pas romancier, dans lequel évidemment Fitzgerald projette, je pense, oui, c'est sa propre ambition et ses propres doutes. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y avait aussi les mots vulgaires, factices, et au service de la beauté. C'est quelqu'un qui est un peu dans le kitsch, finalement, Gatsby, et ça semble fasciner Fitzgerald. Oui, je pense que Fitzgerald n'est pas insensible non plus, même s'il a toujours cette ambivalence et cette distance, n'est pas insensible non plus à ce qu'il peut y avoir de clinquant ou de factice. C'est beau le clinquant, d'une certaine façon. Oui, la vulgarité il n'est pas aussi. Dupe, il n'est pas dupe, mais il est sans doute en partie séduit, oui. Alors vous avez, Julie Wolkenstein, une histoire très particulière tout de même avec ce texte de Gatsby. Vous l'avez lu, je crois, très très jeune. Il faut rappeler que c'est la quatrième traduction. La première, alors à part l'invention du titre Gatsby le Magnifique, qui est une très belle invention, même si elle est contestable, on en a parlé, c'est celle de Victor Liona. Ce n'est pas une très bonne traduction, en tout cas c'est la réputation qu'elle a. Elle est très littérale, ce qui est un mérite. Voilà, elle a ce mérite-là. Donc ensuite, il y a la traduction de Jacques Tournier, 1976. Il y a la traduction de Philippe Jaworski pour la Pléiade. Et puis, il y a votre traduction. Vous, quand vous l'avez lue, adolescente, est-ce que vous vous souvenez de quelle traduction il s'agissait ? Moi, je m'en souviens très bien. Moi, je l'ai lu dans la traduction de Liona, dans l'édition du Livre de Poche, avec une préface remarquable. Enfin, il y a trois préfaces d'ailleurs, mais il y en a une de Bernard Franck, qui est un texte absolument remarquable sur Fitzgerald. Moi, quand je fais des cours sur Fitzgerald, je lis toujours à mes étudiants un extrait de cette préface, voilà, où il dit d'ailleurs ce charme. Il dit finalement, Fitzgerald vous permet de passer enfin un peu de temps au soleil, sur une côte d'azur vide, manger du caviar avec de jeunes filles riches et idiotes, c'est-à-dire formidable. Donc, il y a un texte de Bernard Franck magnifique, et la traduction de Liona. Moi j'avais, je sais pas, 13 ans, 12, 13 ans, je n'avais évidemment pas le recul ou disons l'expérience nécessaire pour la juger. Mais qu'est-ce qui vous a séduit du coup ? Tout, mais je peux pas vous dire. Et d'ailleurs, je constate que c'est enfin, je vois que même le film de Baz Luhrmann, qui est quand même, on peut le dire, une énorme merde. Non, enfin, avec Leonardo DiCaprio. Ça marche quand même. C'est-à-dire, je pense que Gatsby, on pourrait le mettre en manga, en n'importe quoi. Il y a une force qui est justement une force, parce que ça s'adresse à quelque chose sans doute d'un peu sentimental et enfantin chez chacun. Mais il y a une force du personnage, de l'intrigue, voilà, une forme de tragique qui peut passer avec n'importe quelle traduction. Enfin, ça, j'en suis convaincue. Et puis, je l'ai relu. J'ai découvert la traduction de Tournier beaucoup plus tard. Celle de Jaworski, elle est parue après la mienne. Donc, je connais celle de Tendre et la nuit, parce que ça, j'étais en train de faire la mienne. Donc, j'ai un peu regardé comment il se débrouillait, parce que c'est aussi très, très difficile. Et voilà, donc, je pense que ça n'a pas au fond, enfin, c'est pas très grave de le lire dans une traduction plus ou moins bonne. Moi, j'ai eu envie de m'y attaquer, je sais toujours pas très bien pourquoi. Mais alors, vous écrivez quand même, je pleure chaque fois que je le vois mourir. Évidemment, vous avez dû le voir mourir terrible. Beaucoup de fois. C'était terrible, oui. Je, quand je retravaillais cette fin du chapitre, c'est la fin du chapitre 8, je crois, ou son... Pourtant, il meurt très rapidement, hein. On le voit pas mourir, d'ailleurs, réellement. Non, mais on la voit venir, sa mort. C'est très dramatisé, c'est-à-dire il y a une sorte de suspense, enfin, et d'ailleurs de prédiction dès la deuxième page du roman, hein. On comprend que ça va mal finir. Mais oui, je trouve qu'il y a quelque chose de... Mais c'est vrai d'Entendre la nuit aussi. Il y a beaucoup d'humour, hein. C'est souvent très très drôle, hein. Vous l'avez dit déjà, la description du milieu cette aristocratie de East Egg, etc. C'est souvent vraiment très drôle, mais c'est aussi très très pathétique. Tout à fait pathétique. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le narrateur, qu'on parle un petit peu de technique littéraire, parce que quand on a mis comme ça les yeux aussi profondément dans le moteur, si je puis dire, on a évidemment un point de vue qui n'est pas celui du lecteur lambda, et qui est donc votre point de vue de traductrice. Parlez-nous un petit peu de cette voix du narrateur, parce que il est à la fois dans l'histoire, c'est un vrai personnage, et en même temps, il est totalement en dehors. Et ça, c'est une prouesse tout de même d'écrivain. Oui, et ça d'ailleurs, il le dit très vite, ça doit être dans le second chapitre. Il se retrouve embringué dans une espèce de soirée improvisée dans l'appartement new-yorkais de la maîtresse de Tom Buchanan. Et il a trop bu, il y a là des gens qu'il ne connaît pas, qui sont tous... qui lui paraissent tous, justement, extrêmement vulgaires et étranges. Et en même temps, il n'arrive pas à partir. Il y a un passage très beau où il s'imagine à la place d'un promeneur qui, depuis la rue, verrait les fenêtres illuminées de l'appartement où il se trouve. Et imaginerait qu'il y a là une fête, au contraire, plus sympathique. Et il dit je suis dedans et je suis dehors. Je suis à la fois dans cet appartement et ce passant qui observe les fenêtres de l'extérieur. Donc Fitzgerald formule cette posture en effet du narrateur qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur à travers cette situation concrète du narrateur qui voudrait échapper à cet endroit et qui imagine le pouvoir de fascination que cet appartement pour un passant peut présenter. C'est encore le regard. C'est encore le regard. Le thème du regard. C'est très important, évidemment, cet aspect-là du texte. Donc, moi, je pense que c'est aussi le récit d'un accomplissement d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire que c'est l'histoire du passage à l'écriture d'un homme qui a enfin trouvé son sujet. Nick Carraway, il a trouvé en Gatsby le sujet de roman qui l'appelle, qui le motive, et il arrive au terme de cette expérience littéraire. L'expérience humaine, il le dit, a été un désastre, enfin, d'une certaine manière, vraiment bouleversé sa vie, mais il en fait quelque chose, il le convertit en écriture, et en même temps, ce qui est assez pervers dans le texte, c'est que ce personnage de Gatsby, c'est lui, Nick, qui l'invente. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment jamais accès à la parole directe de Gatsby, y compris au moment de sa mort, qui est quand même, comme chacun sait, ou le saura un jour, un moment qu'on ne peut vivre que dans le silence et la solitude. Enfin, je veux dire, personne ne peut imaginer quelles sont les dernières pensées d'un mourant. Or, Nick, qui n'est même pas présent lorsque... Oui, je pense qu'on peut dire oui, la peut fin dire. De Gatsby, lorsque Gatsby couchez-vous se fait les oreilles. Tirer dessus, alors qu'il se prélasse dans sa piscine sur un matelas pour la première fois de l'été, alors qu'on ramasse les feuilles mortes autour de lui. Donc, lorsque le récit est fait de ce moment ultime où l'homme qui va l'abattre s'approche de lui, c'est le narrateur qui le reconstitue et qui imagine quelles ont été les dernières pensées de Gatsby. Gatsby est d'une certaine manière privé, dépossédé de son point de vue, de ses rêves et de ses pensées par un narrateur extrêmement intrusif. Est-ce qu'il aurait été possible d'écrire autrement Gatsby ? Est-ce que vous savez d'ailleurs si Fitzgerald a essayé d'autres points de vue, de raconter l'histoire, par exemple, du point de vue de Gatsby lui-même ou du point de vue de Daisy ? Ah, je ne crois pas. Je crois que, autant pour Tendre et la nuit, il y a eu toutes sortes d'ébauches et de transformations entre le projet original et le résultat final, autant pour Gatsby, il y avait cette idée du point de vue qu'il emprunte à Conrad. Il y a une influence directe, évidemment, de Conrad sur cette technique narrative indirecte. Et alors, vous dites quelque chose d'assez fort, je trouve. Vous dites que la position du narrateur, c'est la même que la vôtre face au monde, dans la vie. La position du narrateur de Gatsby, j'ai dit ça, moi ? Oui. Bon, écoutez, peut-être, en tout cas, cette idée d'être toujours en même temps que je vis, mais c'est quelque chose d'assez répandu, je pense, enfin peut-être surtout chez les écrivains, mais cette idée qu'on est à la fois, qu'on est dans une certaine situation, qu'on la vit pleinement, mais que on s'observe la vivant, je crois que c'est quelque chose, oui, que je ne suis pas la seule à ressentir. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on parlera de Zelda demain avec Gilles Leroy, Julie Wolkenstein. Gilles Leroy qui a raconté la vie de Zelda Fitzgerald de manière romancée dans Alabama Song. Mais j'aimerais quand même parler des femmes de Fitzgerald, ou plutôt des femmes dans les livres de Fitzgerald, en particulier dans Gatsby. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Daisy, qui est donc cette femme aimée par Gatsby, qu'il cherche à séduire de nouveau. Il a acheté cette maison pour pouvoir voir loin de l'autre côté de la baie la maison de Daisy. Qui est-elle, cette femme, et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Écoutez, je pense que c'est pas un personnage très sympathique. Je veux dire, Fitzgerald imputait ce qu'il considérait comme l'échec de Gatsby. Il faut quand même être... C'était pas un échec commercial non plus, hein. C'était environ un moins gros. Exemplaires. Quand on a commencé par un énorme succès, par un best-seller, sans doute qu'ensuite rien n'est jamais à la hauteur. Mais enfin, ça ne peut pas dire. D'abord, il a eu un accueil critique et une réception. Enfin, tout le monde a parlé de chef-d'œuvre, ce qui est quand même pas désagréable. Ça ne paye pas le loyer du Ritz. Mais enfin, c'est quand même déjà ça. Donc, il a imputé cet échec au titre dont il était insatisfait, et aux personnages féminins. Il disait, les personnages féminins sont antipathiques, ce sont les femmes qui achètent les romans, ou du moins ce sont elles qui décrètent s'ils sont bons ou pas, comme Hitchcock le disait d'ailleurs des films. Et donc, le roman n'a pas marché parce que les personnages féminins, et particulièrement celui de Daisy, n'est pas supportable. Et effectivement, le personnage est tout sauf gâté par le texte. Et il le dit d'ailleurs, le narrateur le dit, toujours se substituer au point de vue de Gatsby, dans le chapitre 5, au milieu du roman, lorsque Gatsby retrouve enfin Daisy, la rencontre de nouveau, parce que la lumière verte, c'est de l'autre côté de la baie, et c'est quand même extrêmement inaccessible et lointain. La lumière de verte même, qui brille. Voilà, c'est sur cette lumière qui est au bout de la jetée de la maison et de l'Istegg des Buchanan. Donc, elle est loin géographiquement, elle est loin aussi dans le temps, parce que leur histoire date déjà de plusieurs années. Plusieurs années se sont écoulées sans qu'ils la revoient jamais. Et lorsqu'ils se retrouvent enfin, le narrateur qui assiste à la scène, mais qui encore une fois projette sur Gatsby des interprétations, des pensées qui sont les siennes, les lui prête, dit que Gatsby, avec cette fois-ci Daisy à ses côtés, il lui montre, à un moment, Gatsby montre à Daisy la lumière verte, ils sont cette fois chez lui, il lui dit « voilà, c'est de là, je vois ta maison ». Et le narrateur se dit que... Finalement, maintenant qu'il l'a retrouvée, qu'elle est à ses côtés, elle est en train de perdre absolument toute la magie, tout le pouvoir que l'imagination de Gatsby et ses regrets lui avaient conféré, et que finalement, voilà, c'est Mais Gatsby l'aime toujours. Gatsby, est obstiné. Qu'est-ce que ça signifie pour vous qu'il ait fait ses personnages féminins aussi froids, aussi cassants, aussi calculateurs? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans la relation avec Gatsby, dans ce qu'il veut signifier de la personnalité de Gatsby aussi? Je crois pas. Je crois que Daisy, c'est vraiment une image pour Gatsby. Enfin, une espèce de fantasme. Elle n'existe pas ils vraiment. Ils se sont connus quand ils étaient très très jeunes. Ils se sont connus très brièvement. Et je pense que cette histoire l'a marqué parce qu'elle a été interrompue. Lui et Gatsby, cette histoire, voilà. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Tendre et la nuit, même si on arrive déjà à la moitié de cette émission. C'est l'autre grand livre de Fitzgerald, Julie Wolkenstein. Vous l'avez traduit également. Je l'ai traduit également. Je ne sais pas d'ailleurs, je me demande au fond si ce n'est pas mon préféré, moi, Tendre et la nuit, parce que c'est un livre évidemment beaucoup plus imparfait que Gatsby, qui est une forme de mécanique absolument... vous n'avez rien à dire, c'est vraiment... Peut-être parce que c'est un livre plus resserré aussi, c'est oui, très gros, une très grosse nouvelle. Quand il l'a écrit, il avait plus confiance dans ses moyens littéraires et que c'est pas le même homme qui publie 10 ans plus tard Tendre et la nuit. Et il a mis 10 ans aussi à l'écrire. Il a mis 10 ans à l'écrire. Et c'est un roman Tendre et la nuit auquel on pourrait appliquer ce que Truffaut dit de certains grands films dont il dit ce sont des grands films malades. C'est-à-dire des films qui ne sont pas les plus connus de leurs réalisateurs, mais qui pour certains spectateurs sont les œuvres cultes. Et au fond, je pense que Tendre et la nuit, qui est non pas moins connu, mais peut-être quand même, oui, qu'il y a moins ce statut de classique absolu qu'est Gatsby. Le titre est resté quand même. Le titre est une citation, mais c'est un roman qui, évidemment, est d'une certaine manière bancal ou, imparfait. Mais moi, je me demande si ce ne sont pas ces imperfections-là, ces déséquilibres-là qui me plaisent encore plus. Ça parle... de la schizophrénie de Zelda, en tous les cas c'est une transposition de sa maladie. Oui, ça parle aussi de cette... parce que Gatsby, ça se passe quand même essentiellement à Long Island, qui ne porte pas ce nom dans le roman. Là, c'est aussi un tableau de ce qu'était la vie des riches américains exilés dans cette Europe et dans cette France, surtout des années 20. Ça en parle... Vous avez évoqué les positions de Fitzgerald à l'égard des des droits des Noirs ou ce genre de choses. Ce qui est frappant dans ton réalisme, c'est aussi la xénophobie de Fitzgerald, qui déteste quand même les Français, les Italiens, même les Anglais, enfin, et les Allemands aussi. Enfin, tout le monde en prend pour son grade dans le roman. Donc c'est aussi un roman profondément européen, enfin, sur cette Europe de l'après-guerre, où il y a d'ailleurs une très belle scène de visite au champ de bataille de la Somme, je crois. Et c'est un roman plus européen que Gatsby. La schizophrénie, je ne suis pas sûre que ça soit l'élément central du roman. C'est quoi l'élément central, alors, pour vous ? Pour moi, c'est aussi l'histoire d'une déchéance, l'histoire de cette fois racontée d'ailleurs de son propre point de vue en grande partie, de ce personnage masculin de Dick, qui renonce lui aussi, comme Gatsby, avec plus de moyens intellectuels que Gatsby pour se le formuler, mais qui renonce lui aussi à tout ce à quoi il a cru. Merci beaucoup, Julie Wolkenstein, d'être venue nous parler de Gatsby et aussi de Tendre et la nuit. Je rappelle qu'on peut lire Gatsby dans votre traduction chez POL et votre traduction de Tendre et la nuit est, elle, disponible en GF chez Flammarion. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui un coup double, il faut bien le dire, puisque notre invité de seconde partie est également l'invité de la chronique. Bonjour Charles Danzig. Bonjour. Vous êtes le directeur du Courage. C'est un très beau titre ça, directeur du Courage. Ça vous convient bien ? C'est toujours mieux que sous-directeur de la lâcheté. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez lancé cette revue il y a quelques temps maintenant, c'est le quatrième numéro déjà. Et vous vous êtes intéressé dans ce numéro 4 au minorité supérieure, de quoi s'agit-il ? Avec un point d'interrogation, je dois préciser que c'est une revue annuelle, donc c'est la quatrième année, et que je considère que plutôt qu'une revue, si tant est qu'une revue est un volume qui publie des articles envoyés de ci, de là par divers auteurs, je la considère plutôt comme un essai à plusieurs auteurs, car chaque fois je choisis un thème et tous les auteurs participent à ce thème. Donc c'est plutôt pour moi un essai à plusieurs auteurs. Et là, j'essaie d'alterner année après année un numéro plus politique et un numéro plus esthétique. Et là, nous sommes dans un numéro plus politique, car je trouve que on est entré ou rentré ou revenu dans un temps de majorité très confortable. Tout le monde on fête le 50e anniversaire de mai 68 où c'était le pop-corn des minorités, si je puis dire, et tout le monde était content d'être minoritaire et à mon avis à juste titre. Et puis, il y a une grande vague réactionnaire qui s'est mise en place depuis ça. Et maintenant, l'idée de minorité est même conspuée, on lui attribue très souvent le nom de communauté. Et tout d'un coup, en France, dans un pays comme la France, communauté, ça veut dire diabolique. Enfin, or, moi, j'ai plutôt l'impression qu'à un moment donné de notre vie, chaque personne est minoritaire. Donc c'est la tyrannie de la majorité. Non, c'est la tyrannie de l'idée que la majorité est le tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, si on ne conteste pas la majorité, vous savez, je crois que la vie peut se résumer parfois à des querelles, et il y a la querelle des rossignols contre les bœufs. Mmh. Les bœufs sont très nombreux, ils sont en place, ils meuglent, ils sont très contents, ils sont très gros, mais ils ne bougent jamais. Et si on ne les secoue pas, ils ont cette propension à penser, comme toute majorité tranquille en elle-même, qu'elle est la totalité. La propension d'une majorité tranquille, c'est qu'elle pense qu'elle est la totalité. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc, il s'agit de secouer les bœufs, et c'est les rossignols qui s'en chargent. Alors, les différentes minorités sous lesquelles vous avez un petit peu regroupé les articles, c'est les snobs. Ah, vous vous êtes mis là-dedans ? Moi, je n'y suis pas, mais... Article dans la catégorie des snobs. La catégorie ne s'appelle pas snob, c'est un des articles qui s'appelle snob. Ah, d'accord. Hein, c'est un article de Loïc Prigent, car Dieu sait que les snobs sont des minoritaires, mais probablement eux contents de l'être. Mais d'ailleurs, ce sont peut-être des minoritaires qui aspirent à être majoritaires. Mm-hmm. Oui, j'ai essayé de... Non, je crois que vous êtes vraiment dans la catégorie des snobs. Je vous montre là votre table des matières. C'est un outing. Je suis vraiment désolé, Charles, mais vous êtes dans cette catégorie. Julie Wolkenstein. Chaque parlait de Bernard Franck, et Bernard Franck avait assez l'idée que tous les écrivains par nature étaient des snobs. C'est une, enfin, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Mm-hmm. Quelle drôle d'idée de vouloir être écrivain. Et donc j'essaie de dans cette revue d'avoir donc plusieurs catégories de sorte que à peu près toutes les minorités soient couvertes, sexuelles, religieuses, politiques. Et j'ai même été chercher, comme j'aime bien le faire à chaque numéro, un texte de quelqu'un de très connu qui n'est pas disponible en France. Et là, c'est les mémoires de Vanzetti, l'anarchiste italien. Et il y a un très très beau texte en italien de Vanzetti qui sont ses mémoires, s'appelle Una vita proletaria, il y a une vie prolétaire. Vous assumez de le laisser d'ailleurs en italien, il y a aussi le principe de la revue, c'est une revue internationale où toutes les langues sont accueillies. J'ai eu dans le dernier numéro de l'ourdou par exemple, c'est traduit sauf les quatre principales langues de l'Europe qui sont l'allemand, l'italien, l'anglais et l'espagnol. Car je pense que c'est des langues que les gens parlent, quoi. Et puis voilà. S'ils les parlent pas, tant pis. C'est pas très grave, d'ailleurs. On peut aussi lire des langues sans très bien les savoir. Ça montre ce que c'est que l'étrangeté ou l'extranéité. Et quand j'ai publié ce texte en ourdou l'année précédente, je trouvais déjà très beau d'avoir ça et de regarder un texte avec des caractères ou des signes qu'on ne comprend pas. Et sachant que ces signes ont du sens, c'est révélateur. D'autres minorités, évidemment, qu'on peut regrouper sous l'appellation LGBT. Il y a Justin Trudeau. Vous avez récupéré un texte du Premier ministre canadien. Oui, qui est le discours qu'il a prononcé à la Chambre canadienne il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 mois, où il a prononcé ses excuses pour la communauté LGBT ou LGBTique, comme on dit maintenant et comme il fait lui-même, ce qui est une chose assez rare et sinon unique. Personne ne fait des choses comme ça. Vous savez, j'ai mis ça aussi parce que... Maintenant, ça passe un peu, mais le mariage pour tous a montré aussi une chose, c'est que dans les années 2010, ces atroces années 2010, on s'est mis à faire carrière sur l'homophobie, comme dans les années 30, on faisait carrière sur l'antisémitisme. Mais vraiment, on faisait carrière. Il suffisait d'être antisémite et on faisait carrière, on était ministre. Eh bien, c'était un peu ça aussi pour l'homophobie à ce moment-là. Pour terminer, alors il y a une rubrique métier. Donc, je savais pas qu'architecte c'était une minorité, mais il paraît que si, puisque Paul Andreu, l'architecte de l'aéroport Charles de Gaulle, par exemple, est en dialogue avec Carlos Cruz Diez et Carlos Cruz Diez Junior. Donc, voilà, c'est une minorité l'architecture. Bien sûr, c'est une minorité. Il suffit d'entendre certaines radios, y compris la nôtre, cher Mathieu, pour savoir que parfois le mot architecte provoque des aboiements assez conséquents, c'est-à-dire on dit architecte, c'est pas bien, et c'est comme art contemporain. Mm-hmm. Art contemporain ou architecte, ça provoque des réactions. C'est un peu comme maintenant quand les gens disent Anne Hidalgo, vous savez, on a l'impression que c'est un peu une urbaniste. C'est une urbaniste. Il y a des aboiements systématiques et les architectes sont pas du tout à la mode. L'architecture, et Andreu est un grand architecte, c'est celui qui fait. En plus, il fait le type d'architecture que les gens haïssent par principe et sans même réfléchir, qui est l'architecture dite brutaliste. Mmh. Or, pour moi, c'est une architecture extrêmement imaginative. Allez, voilà pour Le Courage, actuellement en librairie, sous la couverture des éditions Grasset. On repart à présent du côté de chez Francis Scott Fitzgerald avec cet extrait d'une archive de Philippe Soupeau. Hemingway était un personnage assez sensationnel, un espèce de géant qui buvait beaucoup, mais qui était plein de lyrisme. Scott Fitzgerald était très différent. C'était un homme qui avait connu, il avait été très pauvre dans sa jeunesse, il avait connu un succès formidable et il gagnait beaucoup d'argent, mais qu'il dépensait au moins autant qu'il en gagnait. Et il était accompagné d'une femme qui est morte folle, mais qui était aussi absolument étonnante. C'était, si vous voulez, des gens qu'on ne pouvait pas qualifier, c'était des gens qui étaient à la fois américains, à la fois européens et en même temps des gens inclassables. Mais Fitzgerald avait une séduction extraordinaire et je dois dire qu'il m'a laissé un souvenir absolument inoubliable, en ce sens que c'était un homme qui était complètement décidé à brûler sa vie. C'est du courage de brûler sa vie comme Fitzgerald, Charles Danzig, ou alors au contraire, c'est une fuite de la réalité. Je suis pas très sûr que Fitzgerald ait brûlé sa vie, je vois pas très bien ce que ça veut dire, on a l'impression qu'il parle de James Dean ou de la fureur de vivre. Il est mort très jeune tout de même, oui, il a beaucoup bu. Il a bu, mais il s'est stabilisé. À la fin de sa vie, il vivait avec une femme tout tranquillement. Il faisait son métier à Hollywood, où il était devenu scénariste, comme vous savez, de manière très appliquée. Et d'ailleurs, avec beaucoup de sérieux. Et Orson Welles le raconte dans les entretiens qu'il a eus avec Peter Bogdanovich. Orson Welles dit, le drame de Fitzgerald, c'est qu'il était sérieux à Hollywood. C'est qu'il faisait vraiment très bien ses dialogues et ses scénarios. Il les faisait si bien et de manière si intelligente, d'ailleurs, que tous ont été ou refusés ou retravaillés et qu'il n'est crédité à aucun des films, dans aucun des films sur lesquels il a travaillé. Et alors que la plupart des écrivains, il faut pas oublier ça, c'est que Fitzgerald laisse l'idée que c'est un type qui boit du champagne, qui danse le foxtrot et qui est léger. C'était quelqu'un d'extrêmement sérieux. Il est arrivé à Hollywood, il a fait très bien son travail. Le contre-exemple étant Dorothy Parker, qui était très sympathique, un très bon écrivain aussi, mais qui allait là-bas pour picoler, prendre les 20 000 dollars par semaine et qui ne faisait rien. Et à la fin, les producteurs de Hollywood comprenaient mieux ça. Donc le courage de Fitzgerald a consisté d'abord à travailler dans la minorité avec des travailleurs. Oui, mais bien sûr. Et en plus de ça, je pense qu'il a eu un grand courage aussi à ses débuts, c'est qu'il a surmonté un genre. C'est-à-dire que Fitzgerald a eu un drame, c'est qu'il a été, il a eu un très grand succès pour ses premiers livres, ce qui est une chose, à mon avis, dramatique. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux attendre un peu avant du succès. Un grand succès et mourir. Non, il vaut mieux attendre un peu parce qu'on est souvent sidéré par son propre grand succès. Et après, étant sidéré, on ne sait plus quoi refaire. Et lui a eu un grand succès pour un ou deux romans de genre. C'est-à-dire, il est devenu le romancier des flappeurs. Et aussi des universités. Non, mais il décrivait ces jeunes filles libérées, ou qu'on appelait libérées à ce moment-là, auxquelles on avait donné le surnom de flappeurs. Et on lui a opposé, ce qui était bien naturel d'une certaine façon, puisqu'il était publicitaire de métier au départ, on lui a opposé ce slogan. Ce livre a très bien marché. Voilà, il décrivait, il avait l'air d'être une espèce, il pouvait avoir l'air d'être une espèce de Sagan, quoi, quelque chose comme ça. D'écrire un milieu, d'écrire quelque chose de léger et de futile. Et il a eu le courage de changer ça. Les livres qu'il a fait juste après étaient complètement en dehors de ce genre. Et ça, c'est une forme de courage. On évoquait la poésie à l'œuvre dans la prose de Fitzgerald. Il se trouve que vous publiez justement un recueil de poèmes, Charles Danzig, Démocratie de bord de mer, c'est aux éditions Grasset. Vous avez d'ailleurs commencé par écrire des poèmes avant d'en venir au roman, à l'essai, au dictionnaire et à l'édition, puisque vous êtes éditeur aux éditions Grasset. En quoi Fitzgerald était-il poète? C'est une question qu'on a posée plusieurs fois, mais je pense qu'elle peut apporter plusieurs réponses. Elle peut demander plusieurs réponses. Je pense pour moi que le résultat de toute bonne littérature est de la poésie. Un roman de Melville, c'est de la poésie. Une tragédie de Shakespeare, c'est de la poésie. La poésie n'est évidemment pas que des lignes incomplètes qui passent à la ligne ensuite et sont encore incomplètes. La poésie de Fitzgerald est d'abord, on l'a assez dit, une langue, une façon de parler, un sens très très elliptique de la langue, mais aussi, d'ailleurs, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il est, je crois, le premier à avoir mis une forme de poésie populaire dans ses romans. Je crois pas que ça ait été fait avant aux États-Unis. C'est que il est le premier à avoir mis des chansons dans ses livres. Et Gatsby est rempli de chansons, de jazz à la mode à ce moment-là, et c'est quelque chose de très frappant qui montrait aussi qu'il n'avait pas de complexe, parce que parfois les écrivains ont des complexes, ils préfèrent citer Kant plutôt que Dalida, mettons, et lui n'avait rien à prouver, il citait les chanteurs. Il mettait des chansons, il mettait aussi quelques Rolls. Il remarqua que je regardais sa voiture avec admiration. Elle est jolie, n'est-ce pas, très chère? Il sauta du marchepied pour m'en donner un meilleur aperçu. Vous ne l'aviez jamais vue avant? Si, tout le monde l'avait vue. Elle était d'un jaune soutenu, couleur beurre frais, avec des éclats de nickel, d'une longueur monstrueuse, garnie tout du long de coffres à chapeau, de coffres à pique-nique, de coffres à outils et d'une succession de rétroviseurs qui reflétaient une douzaine de soleils. Une lecture de Laurent Poitrenaud. C'est vrai que ces coffres à chapeau, ces malles à pique-nique, tous ces objets, ça sert à quoi finalement dans la littérature de Fitzgerald, selon vous, Charles Danzig? Ça sert probablement à montrer un milieu, ça montre aussi probablement que lui-même a été un peu ébloui par ça. C'était peut-être la petite teinte de vulgarité de Fitzgerald, si je peux dire ça. Son petit côté... vulgaire une Rolls ? Non, c'est pas vulgaire une Rolls, mais c'est vulgaire de comparer sa couleur à des reflets d'or doré. Mm-hmm. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de sens critique. Or, il avait un esprit satirique très, très poussé. Mm-hmm. Et il a toujours, on sait très bien qu'il a toujours couru après ça. Il y a une revanche sociale à prendre chez Fitzgerald, qui a fait un joli mariage, et en tout cas socialement, et qui a couru après ça tout le temps. Donc, mais c'est ça aussi qui lui a nui. Et d'ailleurs, c'est là que Hemingway, sous Poe, disait tout à l'heure, si je peux contredire un fantôme, disait que Hemingway était un homme remarquable. C'était une affreuse punaise, Hemingway. Mmh. C'était une espèce de macho complexé qui disait des horreurs sur tout le monde. Paris est une fête, qui d'ailleurs ne porte pas ce titre. On parlait de titre tout à l'heure en anglais. Paris est une fête que les gens, à cause de son titre, pensent une chose exquise, délicieuse, un hommage à Paris, est un sac d'amertume et de méchanceté sur les uns et les autres, Gertrude Stein et Fitzgerald aussi. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est la fête à Fitzgerald, en fait. Hein. Mais en fait, et donc, Hemingway, qui devait tant de choses à Fitzgerald, en particulier son agent qui lui a permis de publier son premier livre, la chose la plus caractéristique d'Hemingway, c'est qu'il était ingrat. Mmh. Et donc, il s'est retourné contre Fitzgerald en disant des horreurs sur lui. Oui, et je disais ça à cause des rôles, c'est que c'est Hemingway qui a colporté cette idée que Fitzgerald était un collabo du fric. Mmh. En citant mal une phrase de Daisy dans Gatsby, et il laisse entendre ce qui, avec des phrases comme celles que vous avez citées, pourrait laisser croire que c'est vrai qu'il avait ce côté collabo de l'argent. Or, pas du tout. Par exemple, à fin, il y a une phrase très très cruelle, sur Daisy, qui parle de sa voix et qui dit avec beaucoup de mépris, je cite de mémoire, ça ne doit pas être tout à fait exact, mais le sens est là, elle avait la voix pleine de mépris et d'argent. Mmh. Alors, des livres et une Rolls, c'est le titre de ce livre que vous avez préfacé chez Grasset dans la collection Les Cahiers Rouges. Alors, ce sont des interviews de Fitzgerald que vous avez retrouvées. Elles étaient éparses comme ça. Comment elles avez-vous étaient fait éparses, pour en fait, vous avez rien de... Il ne faut pas faire semblant de faire des découvertes sur les grands écrivains. Rien de ce qui touche Fitzgerald n'est vraiment très secret. C'était des interviews qui ont été publiées aux États-Unis. Mais il y a quand même des nouvelles que vous avez retrouvées aussi de Fitzgerald, oui, non, Charles Danzig, qui ont été publiées, traduites et publiées l'an dernier chez Grasset, justement. Ces interviews, j'ai trouvé que c'était intéressant de les publier pour... deux raisons. D'abord, ce sont des interviews comme on les faisait à l'époque, dans les années 30 et 40 aux États-Unis, mais aussi en France. Ce sont très souvent des interviews en style indirect, avec citations entre guillemets. Maintenant, on fait des citations, questions-réponses. Et là, c'est mis en scène par les journalistes, et c'est très intéressant. Et je trouvais ça intéressant parce que, aussi, évidemment, Fitzgerald répond, et c'est au début de sa carrière. Et on voit... Il répond même avec plaisir. Il répond avec plaisir, avec une espèce d'ingénuité, je dirais, car il ne se protège pas du tout. Et quand on lit ses interviews et la façon dont elles sont présentées et la façon dont les journalistes lui parlent, il est très très frappant de voir comment, d'une part, il a été attaqué tout de suite, car ses journalistes viennent le voir et lui posent des questions avec énormément de condescendance. Ah, ces journalistes. Non, mais là, le volume est là. C'est-à-dire que, visiblement, il y avait une forme de jalousie, d'agacement. On comprend, il pouvait être agaçant, mais si on est agacé... Il avait 25 ans. On ne va pas voir quelqu'un, mais il y a, par exemple, une journaliste qui l'aborde et qui lui dit à vous, monsieur Scotch Fitzgerald, Scotch, comme le whisky, mm-hmm. Elle trouvait ça très spirituel. Et ça montre une chose, c'est que on l'a attaqué très vite, probablement à cause de son succès, et lui, ce qui est très frappant, laisse faire. C'est que je crois que Fitzgerald était un gentil. Et il ne faut jamais être gentil avec les crocodiles, parce qu'ils continuent à vous mordre. Et Fitzgerald répond sans vraiment contester, répond en ayant un peu tort, mais aussi par politesse et par la grande élégance qu'il avait. Et il se laisse faire dans les critiques, les méchancetés des critiques. Et il y a aussi une interview croisée avec sa femme, avec Zelda, qui montre le calvaire que ce pauvre Fitzgerald a dû vivre par certains côtés avec Zelda, c'est-à-dire, tout d'un coup, on voit bien qu'elle a été piquée par la vanité littéraire. Elle est là, un journaliste va voir Scott Fitzgerald, il parle, et tout d'un coup, la journaliste le raconte, Zelda arrive dans la pièce. Et c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Mm-hmm. Elle se met à parler du livre qu'elle est en train d'écrire, qui est un assez mauvais roman qui a été publié. Accordez-moi depuis, cette valse. Voilà. Où elle raconte que finalement, elle a eu des idées que peut-être son mari lui aurait prises. Lui, avec bienveillance, ne dit rien. Et ce qui est assez mignon, c'est qu'arrive leur fille, la petite Scotty, qui doit avoir 6 ans, avec qui Fitzgerald préfère s'amuser plutôt que de se faire griffer par sa femme. Ah, on verra si Gilles Leroy est d'accord avec vous. Je pense qu'il prendra plutôt la défense de Zelda. Alors, dans ces entretiens, on apprend aussi que le beau jeune homme qui était Fitzgerald souffrait néanmoins d'un grand complexe. Il avait beaucoup de mal avec ses pieds. Et ça, il n'hésite pas à le confier aux journalistes. Mais voilà, c'est ça. Et c'est encore une des maladresses de sa part. Il croit que c'est gentil de faire de l'autodérision avec des gens qui vous attaquent. Et je crois que ça a été une de ses maladresses. Enfin, je ne veux pas exagérer le drame de tout ça. Mais il se baignait en chaussettes quand même. Hein. C'était oui, pas facile. Mais ça montre aussi que, vous savez, c'est assez triste la carrière de Fitzgerald. C'est-à-dire que Gatsby... Malgré tout, 20 000 exemplaires, c'est pas beaucoup dans un pays de 200 millions d'habitants à l'époque, ou 250. Ça n'a pas été très, très triomphal. Et puis, ça a commencé à dégringoler à ce moment-là. Et on voit que ça se met en place et on voit comment un processus de désintégration se met en place et c'est assez triste. Mmh. Alors, vous avez aussi publié en 1996 une traduction que vous avez faite, Charles Dantzig, d'un livre de Francis Scott Fitzgerald, Un légume ou le président devenu facteur. Vous avez réédité ce texte en 2010 chez Grasset sous le titre Un légume. C'est pas le texte le plus célèbre de Fitzgerald. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite en 1923 et qui est une pièce qui a été un four. Lequel four, d'ailleurs, ne l'a pas découragé puisque le livre qui suit immédiatement cet insuccès est Gatsby. Donc ça ne l'a pas beaucoup miné, mais c'est très très frappant car c'est une très bonne pièce. C'est une pièce comique qui montre une partie de l'œuvre de Fitzgerald à laquelle on ne pense pas beaucoup. Julie Wolkenstein parlait tout à l'heure de son humour, mais il est très, très manifeste. Il a aussi ce petit hiatus qui, à mon avis, le fait ressembler à Stendhal, c'est-à-dire que, comme il avait cette part satirique et moqueuse, il se prenait pour Molière, un peu comme Stendhal, parce qu'il était satirique et moqueur, se prenait pour Molière et croyait qu'il était destiné à écrire un grand roman comique. Et il écrit donc cette pièce qui est une satire, qui est l'histoire d'un jeune homme, un peu raté, comme souvent chez Fitzgerald, mais très ambitieux, comme souvent chez Fitzgerald, et que sa femme agace, comme souvent chez Fitzgerald, et qui le titille en permanence. Et donc, pour impressionner sa femme, il décide de devenir président des États-Unis. Un légume, c'est le surnom qu'elle lui donne, parce qu'il a l'air d'un légume, il fiche pas grand-chose, il est assez peu énergique. Et la deuxième partie de la pièce, ce Jerry Frost, puisque c'est son nom, devient président des États-Unis, probablement dans un rêve. La chose n'est pas très, très explicite dans la pièce. Et on le voit là, c'est une partie très, très amusante, où on le voit devenu président des États-Unis, complètement incapable, assisté et aiguillonné dans sa politique par un juge de la Cour suprême qui s'appelle le juge Fossil. Ça, c'était un peu le petit côté un peu sale gosse de Fitzgerald. Il aimait bien donner des noms de famille moqueurs et à Calembour, aux personnages secondaires. Le père de Zelda était juge aussi, peut-être qu'il y a pensé. Et l'autre, oui, c'est vrai. Et l'autre personnage est un général crétin qui s'appelle le général Pushing et qui le pousse à la guerre en permanence. Et on a l'impression de lire un récit de la présidence de Donald Trump. Et la chose qui est très amusante, c'est que cette pièce a été un échec et je pense qu'elle a été un échec parce que elle disait les choses trop tôt au moment où les Américains ne le savaient pas. Car Fitzgerald savait des choses sur la présidence du moment où il écrivait, et le président du moment où il écrivait ça était le président Harding, qui était un homme incompétent, corrompu, qui vivait avec sa maîtresse à la Maison Blanche, dont la femme faisait venir des tireuses de cartes, dont un des ministres était corrompu avec l'industrie. Il y a d'autres présidents des Français qui sont allés voir des tireuses de cartes aussi. Pétrolière. Oui, mais ils ont peut-être pas la maîtresse à la maison, le ministre acheté par l'industrie pétrolière. En tout cas, il montrait ça, et il le montrait à des Américains qui ne le savaient pas. Donc ils ont pensé qu'il exagérait. En réalité, il n'exagérait pas du tout. Et la présidence de Harding était exactement comme Fitzgerald le décrit dans cette satire. En 2010, Charles Dantzig, vous avez écrit un essai qui s'appelle « Pourquoi lire ?» Pourquoi lire Francis Scott Fitzgerald aujourd'hui ? Parce que ça ne sert à rien, comme toute littérature. Du moment que c'est bon, il faut lire. On peut lire. Il faut lire, à mon avis, Fitzgerald comme Apollonios de Rhodes. Il ne faut pas le lire pour des raisons morales. Il faut le lire parce que c'est un écrivain. Puis d'ailleurs, plus le temps passera, plus les raisons pratiques pour lesquelles on le lit passeront. Là, je viens vous donner l'exemple de la présidence Harding, mais c'est déjà très oublié. Et un livre a une valeur en soi, et c'est un... Pour moi, un livre réussi, c'est comme une sculpture. Et ben voilà, Gatsby, c'est une sculpture d'une certaine forme qu'on va voir parce que c'est ça et parce que c'est prodigieusement réussi. Ça suffit à lire un livre, je crois. Merci beaucoup Charles Dantzig. Je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, éditeur, traducteur, producteur à France Culture. On vous retrouve à quelle heure déjà ? Le dimanche à 15h dans Personnage en Personne. Et voilà, 15h, quel bel horaire. Vous avez publié Des livres et une Rolls, recueil d'interviews de notre auteur de la semaine en 2013 chez Grasset, et vous dirigez la revue littéraire Le Courage que vous nous présentiez tout à l'heure. Demain, nous continuons à parler de Francis Scott Fitzgerald. On le replacera dans la littérature américaine. On parlera aussi de sa femme Zelda. Ce sera avec Antoine Cazé et avec l'écrivain Gilles Leroy, prix Goncourt 2007 pour Alabama Song. Tout de suite, les lectures poétiques de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Et puis, il y a l'œuvre poétique. Nous sommes avec Patrick Lopin, tome 1, tome 2. Il y a des états d'écriture très différents. Nous sommes avec Patrick Lopin, qui est à l'origine du nom La Rumeur Libre, son éditeur de la région lyonnaise. Si j'ouvre le tome 1 au hasard, je ne puis me défaire de cette pensée de la splendeur d'un livre oublié, perdu en moi. Soit que je l'ai rêvé, soit que l'écriture en plein jour éveillée m'en fût à voix haute révélée, et qu'il appartienne désormais à une parole plus profonde en toute écriture. Il y a la terre, souviens-toi, de tel ciel, tel été, une ombre discordante et pure. Il y a la terre et l'eau, ce tremblement à peine perceptible du corps et des lèvres, une pâle buée, l'empreinte visible du temps. Mais ce n'est déjà plus, ce ne sont plus jamais ce cœur ni même cette voix. Notre vie est une part de ce que nous ne savons plus retrouver, non plus vers quoi nous ne savons nous retourner. Je n'imagine aujourd'hui rien de plus émouvant que cette rosée matinale sur tes joues, ces pétales de rose posés doucement sur tes lèvres à l'orée de l'autre hiver. Le monde se referme, la lumière nous quitte et ne laisse rien. Nous demeurons, devant, immobiles, ouverts, vacants, guettant l'alerte et le moment, le point du jour, la première aurore, si fragile, si proche, comme sous le coup d'une butée venue du fond des âges, la première déflagration dans la nuit humaine de la pensée. Le poème énonce la contradiction du proche et du lointain, du haut et du bas, du révélé et du caché, du corps et de la pensée, de l'un et de la foule, du fini et de l'infini, de l'impossible et de la vérité. Seule la violence de la métamorphose rend possible la figure du poème, incluant vide et présence qui la sous-tend. Le poème est un nœud irrésolu d'âme. Dans l'écriture, il faut accepter de perdre le poème, le laisser là où il nous laisse. Il dénonce l'illusion qui serait celle de vouloir signifier l'immédiat, le tout. Et puis dans le milieu du tome 1, oui, je ne puis me défaire de cette pensée de la splendeur d'un livre oublié et perdu en moi. Ainsi, chacun porte en lui son propre livre de mots oubliés et s'emploie, selon sa propre histoire, selon l'énigme que nous sommes tous un peu pour nous-mêmes, soit à le laisser naître, revivre, parler, soit à le rendre muet, fermé, illisible désormais en lui. Comme il arrive en toute chose parfois, seul un hasard ravive ce vertige des mots naissants. Mais ce langage ne vient plus aujourd'hui sans cette peur du langage effondré en moi, d'un langage qui chute en vrac, abîmante l'être, le rythme détérioré dans son impulsion même, comme si la secousse intime et imprévue, insolite quotidienne où se récite le réel entrevu, dissible, n'allait plus sans ce sentiment imminent de chute, de mortalité en soi, de la vie même du langage. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures du poète Patrick Lopin.